Deuxième cahier. Relisant ce qu'il a écrit dans son premier cahier, le pasteur réalise le sentiment qu'il a développé pour Gertrude. Gertrude elle-même est désormais bien consciente de ce sentiment, au point que le pasteur est inquiet de l'opération éventuelle de Gertrude pour lui rendre la vue. Désormais, le pasteur note dans son journal ce qui s'est passé le jour même ou la veille.